La lutteuse coréenne Kim Hyun-kyung a obtenu la médaille d'or au championnat mondial de lutte pour la qualification aux 31e Jeux olympiques. Dans la catégorie de 48 kg de la lutte libre féminine, elle a battu l'Allemande par 10-0, la Mongole par 6-2, la Polonaise par 6-0 et à la finale l'Américaine par 9-2.